main j'ai bien trop lâche. On part dans tes cases, tu viras de prod des billes de barge. Mon son qui t'écrase, je reviens à la charge et vise tes bases. Ton matos est à la pointe, mais putain tes prods sont nasses. Garde le cul basse, 2.089 crack et un S2000 à caille. Sale paille, rien n'empêche les caisses de claquer. Avec une PlayStation Cisco, fais jumper les cailles. Assume ton fiasco, accuse pas les machines que t'as pas marqué. On court pas les chines, on met le paquet. Si Maria se dessine, on fait pour nous, on met le paquet. Faire vivre le son, à vivre le premier album, à la sueur de notre front. J'ai pas de deal, je le filme, dis pas que j'ai craqué. Mes potes me supportent, me poussent, et tu voudrais que je les fasse raquer. Moi je pose des pierres, quand je concrétise, je suis fier. Je pars ma propre route, je compte mes propres doutes. Nos choix se péchèrent, c'est clair, on sait ce qu'ils nous coûtent. J'm'en balisé sort père, en avant tout. On lâche du brut, diamant pas taillé. Métro musique, nos luttes, puis les brailler. Ça pose dans ce bise, notre but, engraillé. Sur la falaise, peu de brise, faut batailler. On lâche du brut, diamant pas taillé. Métro musique, nos luttes, puis les brailler. Ça pose dans ce bise, notre but, engraillé. Sur la falaise, peu de brise, faut batailler. On blast ses quatre lettres, pas de mentor, pas de maître. J'traîne encore sur le banc sous ta fenêtre, jusqu'à tard dehors. Faut bien l'admettre, artiste des rangs. Faut que les thunes tombent avant que je sois vétéran. Quand je lâche une bombe, y'a si peu de concurrents. Mais t'aimes récurrent, les mêmes BPM, je me rassurant. Disant qu'on y arrive en transpirant. Mon pire ennemi, rien d'autre que moi-même. Je me maudis, moi et ma flemme. Je me débat, ma vie c'est pas femme. Je viens d'en bas, j'ai mis les pieds dans le plat. Je suis trop sous terrain pour que tu capes mon éclat. Je me tape pour me faire une place, mais putain, j'ai que deux bras. Confiance en peu de gars, j'ai un peu de main pour par compter mes doigts. Trop de mentalité, donc crac. On lâche du brut, diamant pas taillé. Métro musique, nos luttes, puis les brailler. Ça pose dans ce bise, notre but, engraillé. Sur la falaise, peu de brise, faut batailler. On lâche du brut, diamant pas taillé. Métro musique, nos luttes, puis les brailler. Ça pose dans ce bise, notre but, engraillé. Sur la falaise, peu de brise, faut batailler. 2001, la situation de 1990. Drap. Beaucoup de groupes de rap, très peu de signatures en major, peu d'investissement. Pas de politique de carrière. Aucune signature sur la carrière. Aucune signature. J'ai frappé 1000 fois à la porte des majors et ça répondait pas. T'as pas cru en moi, t'as eu tort. Je serai là dans les bacs où tu m'attendais pas. Tu me viras de prod dans les bacs, tu nous attendais pas. Mon hip-hop est le reflet de ma vie, je me cramponne. Rap de névrosé, je ferai jamais mieux les 30 connes. La rage en décibels, voilà ce qu'on crache des cellules Stanton. En marche des labels qui font battre le rap que tu chantonnes. Nous c'est fait de ficelle, mais travailler de sorte que ça t'en sorcelle. Sous escorte, personne t'ouvre la porte, même si t'excelles. Mon blague fait belle, F.A.R.O. je t'émêle. Le vrai et du faux, par ma prestation au micro je fais pas de zèle. Les HD sont les blaires que t'as mis en scène. V'là ma BA, j'ai pas d'attitude à vendre, pas de mise en scène. Assurément une place à prendre, mais austère, notre putain de mécène. Encore deal pour que dalle, mais qui se souvient de Fatal Youssef. On pousse sous d'autres lumières, les cachets de tête d'affiche. Je me contenterai du tiers capiche. Si je veux vendre faut que je triche, mais je suis trop fier. Si je veux vendre faut que je triche, mais je suis trop fier. On lâche du brut, diamant pas taillé. Métro musique, nos luttes, puis les brailler. Ça pose dans ce bise, notre but, engraillé. Sur la falaise, peu de brise, faut batailler. On lâche du brut, diamant pas taillé. Métro musique, nos luttes, puis les brailler. Ça pose dans ce bise, notre but, engraillé. Sur la falaise, peu de brise, faut batailler. Un jour tu pues la merde. Un jour ta merde a un prix.